Ouais, tu dis bonjour, je vous préviens, je suis en parler avec mes collègues. Ouais, non, ça va, ça va. Ouais, je Comme ils font ça pour les réunions téléphone par là ou pas? téléphone. Ça téléphone là ou pas? C'est impossible que ça soit fermé, ça sonne. Je me suis tapé un petit Oui, bonjour, DJ Freddy? Ah, vous êtes en train de mixer là, non? Ah, vous êtes au concert de Jean-Jacques Goldman, non? Allô, DJ Freddy, la danse orientale, c'est fini là. Vous êtes en direct avec nous, DJ. Allô? Ah, vous nous entendez là? Ah, bonjour. Je suis sur haut-parleur Bonjour. avec mes collaborateurs. Là, nous aimerions organiser Bonjour. un événement Bonjour. et nous comptons sur vous Bonjour. pour la musique, éventuellement. Parce qu'en fait, je sais pas si vous connaissez une radio connue en France, Freeze Radio, vous voyez? C'est pour quelle date? 25 juillet, non? 25 Ouais, juillet, 25 ouais. juillet exact. Oui, je serai libre. Bonjour, Mais vous êtes sur mon site là, c'est ça? Pardon? Non, là, on ne savait pas que vous aviez un site internet. En fait, on a eu votre numéro par l'intermédiaire des pages jaunes. Oh, quelle connasse, celle-là. Ah, vous avez un site, effectivement, je note, je m'y rends tout de suite. J'ai hâte. Alors, j'y suis là. Ah oui, vous êtes? Je serai à votre écoute pour réussir votre soirée. Voilà, DJ Freddy. Oui, alors en fait, DJ Freddy, je vous explique. Je vous appelle Il a DJ. raccroché, là, il est. Voilà, ben, vous l'aurez compris, nous voulions vous organiser une fête pour les 1 an de Freeze Radio. Et oui, déjà. C'était, j'aime bien le mec. Attendez, je regarde. Ah, c'est lui, il est là. Ah, sacré Freddy. On le rappelle. Non, il y a trop une tête de winner, faut le rappeler. On le rappelle? Ouais. Allez, Mais je alors. vais m'énerver un peu. Déjà, je m'énerve. Allez, énerve-toi. Tu m'as raccroché au nez! Non, non, mais Allez, tu vas Darius, voir. Darius va Non, je suis s'énerver. le mec qui s'énerve, mais poliment, tu sais. Bonjour, Chut. petit fils de pute. Non, je rigole. Je rigole. Moi, je vous tiens bien. Je peux vous appeler Didier. Je peux vous appeler Didier. Je peux t'appeler Fredo, quand même? Réponse à plus de chien. Ah, mais c'est son jingle. Je suis indisponible pour le moment. Ouais, raccroche-moi au nez, sale chienne. C'est en chienne. Parce que j'avais pas mis le. DJ Pat, on l'avait fait. J'avais pas mis le Just DJ Pat, non, on l'a pas fait, mais. Ouais. Appelle DJ Pat, mon enfant. C'est quoi le. Zéro, Attends, attends, attends, attends, ne le attends. dis pas. Bon, alors voilà, quatrième émission de Freeze Radio. On est quel jour? On est en août. Nous sommes. Non, c'est pas vrai. Je t'emboucane, auditeur! Pourquoi? Genre, on a un auditeur? Je t'emboucane, auditeur! Toi qui es le seul à nous écouter. Après, on appellera quelqu'un pour une pendule africaine. C'est bon, hein? Alors, il y a un gars qui vient de sortir une annonce qui dit qu'il y a Giorgio au piano. Quant au On appelle le pianiste DJ Pat. Sergio et au DJ Nicolas, virgule, eux aussi assurent. Trois petits Où points. ça? Tu vois pas? Oh, génial. Je sais où c'est l'avenue Franklin Roosevelt Moi à aussi, Paris. c'est à Paris. Rush Hour 3, avenue Franklin des Roosevelt. Non, non, non, moi j'y étais. Moi aussi, j'y étais. Rush Hour 3, c'est de la merde. Et puis c'est tout. C'est pas On bien. appelle le DJ Pat. C'est pas bien de dire DJ aussi. Pat, bonjour, vous savez de... Vous savez Non! de Pat? Non! Ta gueule! C'est nul! C'est nul! Chut. Faut garder son sérieux, tout de même. Très belle photo de Mick Jagger en Oh bien, je fais des trucs de merde, alors je peux t'appeler Georges. Elle est pas très bon, faut pas Elle est l'appeler. pas. Une pâte à pâte. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Didier Pat? Oui, bonjour. Bonjour Didier Pat. Didier? Pardon, c'est. Oui, bonjour. Je suis avec mes collègues. Je vous préviens tout de suite, j'ai mis le haut-parleur pour Bonjour. organiser un événement et nous comptions sur vous pour la musique Il éventuellement. faudrait rester discret parce que c'est Freeze Radio, donc je pense que vous connaissez Freeze Radio, c'est une des plus grandes radios de France. Donc en fait, voilà, c'est parce que c'était il y a bientôt les 10 ans de Freeze Radio. Donc on voulait organiser une petite fête et comme on m'a beaucoup parlé en bien de vous, on voulait prendre contact avec vous. Dire un petit peu plus ça. Très bien, alors Freeze Radio, c'est une radio qui fait principalement, qui diffuse principalement du 5, 5 Michael millions d'auditeurs cette Jackson. année, 5 millions d'auditeurs 5 cette année. millions d'auditeurs, Nous, on exact. aime la variété celte en particulier. Oui. Donc voilà, c'est une... et comme peut-être vous savez, parce que c'est une radio très très connue, c'était les 10 ans, il n'y a pas très longtemps. Et donc, on voulait faire une petite fête avec des gens et tout ça. Et enfin, une petite fête, ça sera environ 500 personnes. Donc voilà, on voulait savoir si vous étiez disponible. C'est quelle date que vous Ça avez serait le choisi? 25 juin. Le 25 juin, c'est un samedi, c'est ça? Oui. Oui, je suis déjà Ah, bah c'est pas grave, alors le 26, on fera un jour. Le 26. Parce que on m'a dit beaucoup, beaucoup de bien de vous, alors il faudrait vraiment que vous veniez. Donc le 26, dites-moi quand vous pouvez et on fait quand vous pouvez. Il faudrait que je vous rappelle et que je vous donne mon agenda parce que là je l'ai pas devant les yeux en fait, je suis en presta. Est-ce que. Vous êtes en costard ? Vous êtes en costard là ? Pardon ? Vous êtes en quoi s'il vous plaît ? J'ai pas. En prestation, en prestation. Ah, vous êtes en train de DJ, vous êtes arrêté pour nous. Et les gens vous attendent. Ce qui est vrai, c'est que je puisse vous rappeler pour vous dire mes disponibilités sur juin, en fait. Ah ben oui, mais bon, nous, mais il bon, faudrait qu'on ait la réponse dans 20 minutes, là. On vous appelle au dernier moment, ouais, en fait. Ouais, parce que sinon... Vous connaissez pas une date, vite fait ? Dimanche, on sur juin, sur des samedis uniquement ? Ouais, sur des samedis, ouais, ce serait bien. Dites-nous, ça nous dérange pas tellement si c'est un peu plus tard. Alors, le seul samedi... Non, je me dis si j'ai un bat. Pardon ? Le seul samedi qui reste en juin, c'est le 18. Eh bien, très bien, le 18 juin, monsieur Pat, nous ferons l'affaire avec vous parce que nous vous donc, aimons. Attendez, on va vous renseigner un petit peu sur cette fête. Donc, il reste 500 personnes. Dont ma tante, alors je veux pas de conneries, d'accord, d'accord. Non, blague à part. Il y aura des gens de la télévision un petit peu. Notamment Nico Sadigis. Qui est Celte, lui aussi, bien entendu. Allô ? Jean-Michel Lapoire, vous connaissez ? Pardon ? Jean-Michel Lapoire. Non. Très connu. Peut-être, mais je ne connais pas. Il fait l'entracte sur BFM TV. BFM TV. D'accord. Oui, bah oui. Bah oui, d'ailleurs, il y aura Jean-Michel Lapoire. Donc en fait, il faudrait vraiment que vous assuriez sur le point de vue musical. Donc oui. L'idée, ce serait de venir costumer, en fait. Oui. Oui, bah oui. Vous avez combien d'années d'expérience, s'il vous plaît ? 10 années d'expérience, hein, vous devez commencer. Vous devez connaître bien les touches. De... Allô ? Oui, je vous écoute. Pardon, excusez-nous. Voilà. Donc, en fait, l'idée, ce serait de venir costumé. Oui, j'ai compris. Ben oui, mais en quoi ? Vous avez des idées de costume ? Non, pas du tout. Ben, je sais pas, quoi, costumé en femme, ce serait rigolo. Vous nous aidez pas du tout, là, en nous disant ça, monsieur. Faudrait venir en femme, essentiellement, parce ouais, que... Ouais, en femme, ce serait rigolo, franchement, on ferait bonne impression. D'accord. Avec 10 années d'expérience, je voulais caser. T'as raccroché ? Non, c'est lui. Ah, je voulais caser une phrase, je voulais dire avec 10 années d'expérience. D'accord. Vous devez quand même avoir dépassé votre stade de merde quand même. Hein. Bien le rappel, on dit qu'on a été coupé. Vous connaissez bien les boutons. Vous devez connaître les touches. Bien le rappel. Il n'y a pas moyen. Quoi, ok, ouais, ça va, oh! Restez avec cher, nous! Pardon, on n'a pas fini. Cher auditeur, toi tu m'aimes, tu aimes mourir. Pas vrai? Voilà. On va rappeler Pat! On le rappelle? Non, putain, mais non, il était non Pat, on le rappellera un peu plus tard. Parce ouais, que là, faut... il est en ré. Il est en presta. Donc, qu'est-ce qu'il s'est arrêté de rentrer en pour répondre? Des fois. Donc, voilà, merci beaucoup d'être avec nous. On appelle les cartes magiques. Quatrième émission, Freeze Radio. Donc c'était il y a combien de temps la dernière qu'on a fait ? Longtemps. Très longtemps. Donc beaucoup de temps a passé puis on s'est rendu compte qu'on avait envie d'en faire quand même. Oui, dans notre crise d'adolescence, nous avons décidé de continuer ce métier puis, voilà. Qui nous tient tant à cœur, à savoir celui de chroniqueur radio. Voilà. Donc... Très beau discours. Ouais. Bravo. Donc, pour l'instant c'était il y a... Ça faisait un an bientôt qu'il y avait Freeze Radio. Exact. Je sais pas si je l'ai déjà Non, dit. C'était un an passé. Un an en 10, ouais, parce que c'était en février, mais on a pris du temps. Donc, on essaie d'organiser une fête pour les 1 an de Freeze Radio. Donc, voilà. Bien entendu, vous serez invités si on arrive à la caser. Si on arrive à la caser, ouais, là, vous êtes invités. Oui. Mais on va aussi appeler quelqu'un pour une pendule africaine, comme vous pouvez. Une pendule africaine. La pendule exactement. Africaine du monsieur, donc je la vois, elle a une belle... Mais en fait, il a fait une petite faute d'orthographe, il a marqué pendule avec africaine. Bah oui, parce demander... que regarde, là, il y a l'africaine. Oui, parce mais moi, je vais demander pendule et où est l'africaine. Voilà. L'africaine. Parce que moi, j'aime beaucoup parce les africaines. Parce que moi, j'aime les africaines. Voilà. La ziza, tout ça. Makumba. Je te veux si tu veux de moi, tout ça. Hein. Elle danse tous les soirs, Makumba. Bon, bah, t'es bien. Bon, allez, on va appeler, hein, parce que sinon... Okay. Comment il s'appelle ? Who is speaking ? Me. Okay. Or you, as you wanted. You and after, if like you, like a DJ Pat, everything is okay. Everything is talking. Ah, très sexuel. Cette, il a fait un plan très sexe de la statue où on voit sa paire de fesses. Et ce string dentaire. Je lui ai demandé si elle est mangeable parce qu'on dirait du chocolat. Ouais, on dirait trop du chocolat. Rigolo. Chocolat, il est comestible ou en plastique? C'est quand tu veux. Mais je crois qu'en fait, quand on appelle des particuliers comme ça, ils. Bienvenue sur la boîte vocale. Voilà, les petits loups. Donc, c'est déjà le temps de s'écouter une musique. On va s'en écouter une maintenant parce que j'ai tous les droits et je vous baise. Non, on ne baise non, pas. Non, pas les auditeurs. Non, on pas les auditeurs. Mais voilà. Allez, petite musique. Akon et Kerilson, non? Ouais, allez change me. C'est parti. Vous on se retrouve juste après ça, les petits loups. Donc, on se retrouvera juste après pour. On va essayer peut-être de rappeler DJ Pat et la fondue africaine. On se retrouve juste après. Restez avec nous. Don't try to change me. So don't. après icône et. Non, t'as dit quoi? Oh putain, elle était bonne celle-là. De quoi comme là? Je parlais de la chanson, bien sûr. Mais oui! Non, t'as sorti une blague ou quoi? Bon, alors pour ceux qui ne connaissent pas, je parlais de. T'es bien bonne celle-là! Je parlais de ma maîtresse de CM2. Voilà. CE2. Bon, pendule africaine, pardon. Pendule avec africaine. Pendule. Donc, c'est bon. Donc, je suis OP. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis opérationnel. Je suis pour opérationnel. Opérationnel, oui, ça veut dire je suis prêt. I'm ready, I'm the first, you know. Oh non, ta gueule. Aviateur d'heure sort de ce corps. Je vais le couper. Aviateur d'heure, c'est la fille qui commence une phrase en français mais qui la finit en anglais. Mais peut-être qu'elle a, elle est même pas anglaise. Elle n'est même pas. Ouais, tu vois, you know, tu te connais, tu. Mais t'es pas anglaise, connard, ça va, t'es pas en anglais, non. De toute façon, moi j'ai des millions de fans à travers le monde, vous-même vous savez. Ah ouais, elle a dit ça. Il veut trop que quelqu'un vienne dans la rue, il lui dit rien, il va devant elle, et puis il la claque. Voilà. Et puis là, elle va faire oh, what the fuck, man. Ça va lui faire redescendre un peu sur terre, tu vois. What the fuck, man. La meuf, elle sort un best-of. T'as remarqué, elle a dit je sors un best-of là. Mais t'as fait 4 chansons dans ta vie. Pour toutes les femmes, par contre, c'était The Best of It de Aphelia Turner, là ça aurait été prétentieux. Ah ouais, que tu as dit ça. Mon Dieu, Aphelia Turner, c'est la fille qu'il ne faut jamais fréquenter, mes enfants, vous allez sombrer. Elle m'énerve, elle. Vous allez sombrer dans le narcissisme. Encore Michael Vendetta. Voilà, il était là, tu as vu mais ça. Mais Michael, toi, Michael il joue un personnage. Alors, en vrai, il est très intelligent, alors que Aphelia Turner, elle est très con. Dans une galerie d'art. Exact. On allait à la même galerie d'art. On parle d'une galerie d'art, allez, on envoie la pendule africaine, non? La pendule africaine. Allez. La pendule africaine. Logan a fini numéro, il appelle. Nous allons appeler pour obtenir une pendule africaine. Je fais l'accent ou je fais pas l'accent? Qui sait faire l'accent? Petit test. Allez. Moi, je sais faire l'accent. Allez, Swan. L'accent africain. Oui, c'est parti, allez, on y va. Bonjour. Bonjour. Ah, moi je vais de loin et je dis. Voilà, non, je vais pas la chute. Je dis. Chute, les gars, oh! Je vais depuis là! On a pas de. Non, c'est un faux numéro. Il faut dire qu'en fait, si tu veux que je t'achète la pendule, il faut répondre. Allez! Ok! Maman, nous, c'est du coup du Bali! Ok! Maman, nous, c'est du coup du Bali! Réponds! Bienvenue sur la boîte vocale. Mais c'est pas grave. Peut-être qu'avec le décalage la journée. Peut-être qu'avec le. Mais là, il est en France. C'est un blanc, regarde. Ah oui, sur la photo, il y a sa main. Ah oui, c'est un blanc qui vend une africaine. Ah bah putain, l'esclavage, il n'a pas été aboli. Parce qu'il y a marqué pendule avec africaine. Vendue 6 juin. Ne peut être vendue séparément. Ah oui, attention. Parce que c'est vrai que l'africaine, elle a l'air vachement. Ah, la ville, c'est Grasse. Ah! Tu connais Grasse? Oui, je connais. C'est quoi Grasse? Saison 06. Saison 06, tu viens de le lire. Bon! Putain, ouais, mais dans le 06. Ah, c'est pas la baraque ici. C'est moi la baraque. Pas de blague? C'est Darius la baraque. C'est moi la baraque. Darius, tu connais la baraque? Je vais à la salle. Darius va à la salle. Je vais à la salle de sport. Mais je vais à la salle de sport parce qu'avant j'avais l'air d'un somalien, c'est pour ça en fait. Darius va à la salle de sport parce qu'avant il avait l'air d'un somalien. C'est pour ça qu'il va à la salle maintenant, Darius. Maintenant Darius, c'est n'importe qui. Maintenant, Darius est musclé. Maintenant Darius, il croise Vin Diesel, il lui pète dessus. Il casse la gueule. Oh ouais, ils sont pas lui. Il est nul. Il m'en a rien à foutre. Là il nous monte ses bras. Ouais, croyez-vous? Par contre vocalement, je me gratte. Vocalement, Vin Diesel il te nique par contre. Jamais tu niques à la race. Si, quand j'ai la chiasse, des fois, je me. Mais ça vient tout seul. Là, je vais. Là, par contre, j'attends. Mais là, c'est. Le cri, la vie de Dieu. Non, mais je vais à la salle, mais. J'étais obligé parce qu'avant, j'avais l'air d'un gros somalien. Non, un petit. Ça fait partie de la dure réalité de la vie. Mais là, j'ai l'air d'un somalien après un menu Max Bestoff, tu vois. Il y a un petit peu plus de muscles, tu vois. Ça y va, les petits loups, hein. Ou de graisse, on ne sait pas. Non, c'est du muscle. Ah oui. Moi ouais, et Grèce, on s'est jamais écoutez croisés. Bien, en mangeant un menu Max, vous obtenez du muscle. C'est pas faux ce qu'ils disent, manger bouger sur les boissons. Ouais. Manger bouger, il faut manger 4 Big Mac et là. Pff, prenez le 1955 et là ça passe nickel. Là t'as des abdos et tout, frère. Je sais pas pourquoi je fais ça, c'est la radio. Un abdo par hamburger. Chaque potato donne un biceps. Donc, voilà. Manger. Vous prenez une boîte de Maxi Best-of. Je te dis pas les Américains. Les Américains, c'est plus musclé. Hein. Ouais, ils nous pètent tous la gueule. Mon chien, regarde, je crois qu'il est gros, mais il est musclé, mon chien. Ah ouais, c'est juste là. C'est du muscle, évidemment. C'est juste qu'il est toujours en repos, en fait. Il n'arrive pas à bander le muscle, tu vois. Son muscle, il n'arrive pas à être contracté. Non, mais à la salle, il y a des mecs, ça fait de la peine parce que c'est des gros. Et ils vont à la salle et ils croient que ça, ça va enlever leur graisse. Non, mais que ça l'enlève, mais tout de suite. Sauf que le mec fait une série de 4 et après il va voir dans le miroir. Je fais, oh putain, on voit la différence, c'est quand même. Avant j'étais gros, maintenant plus du tout. Ça enlève petit à petit. Bah oui, il faut pas patienter, petit loup. Faut pas arriver à faire deux gros et faire, oh putain. Oh, oh trop la classe. Oh, j'ai le biceps là. J'ai le biceps. J'ai le biceps là, l'histoire, hein. Il a pas comment ça là. Il y a des gens, ils vont ça. Il y a des gens, ils y vont et croient que c'est un effet direct. Après, tu as la peine parce que tu as les kékés. Et les kékés, dans la rue, c'est les gens, les mecs qui mettent les gros débardeurs et tout. Ils y vont là-bas, et puis 5 minutes après, tu la vois passif. Ah, je me suis déchiré un muscle. Il y en avait, il est arrivé, il avait voir le moniteur, il a fait je me suis déchiré un muscle, donc je vais rentrer chez moi. Le moniteur, il a dit bien, tiens, il a craché dessus. T'as mis le pas de machine. Oui, parce que moi, je suis allé faire un cours d'essai avec Darius à la sage. Ouais, c'est mes machines. Le premier jour, je suis arrivé, il a même pas vu mon inscription, il a fait tu peux essayer la machine. Oui, en fait, quelqu'un, il a fonce sur ses machines. Tu veux que tu n'y que la nuit, il dort avec ses machines dans les bras. Il arrive et il fait bonjour, c'est pour les machines ? Oui, c'est pour un cours d'essai. Ah, mais tu veux essayer les machines ? Oui, je veux bien. Ok, passez par là pour les machines. C'est parti pour les machines. C'est le genre de mec qui est obligé de prononcer le mot machine dans une phrase. Ouais, mais, non, mais je vais plus avec Cusco parce qu'il m'a mis la honte. Parce qu'en fait, Cusco, j'y vais avec lui, tout le monde le regarde. Et je dis, pourquoi tout le monde le regarde ? Et puis à la fin, je vois qu'il a le gros jean de merde. Je fais du sport en jean, les enfants. Con, putain. Moi, par contre, j'ai des vieilles chaussures pourries aussi, les rouges. Ouais. Je m'en fous, je crache à la gueule. Tu fais des exercices dans ta gueule, dans ta tête pendant que tu fais des exercices, t'as qu'une phrase qui fait c'est j'ai l'air d'une merde. Donc en fait, tu as l'air d'une merde à la fin en fait, parce que tu sens ridicule. Bah justement, si tu te dis je suis un beau gosse, peut-être que tu seras un beau gosse. Non, là, t'es une gueule dans l'état. Une gueule dans l'état, c'est une merde. Tout à fait. Voilà. Bon, bref, la pendule africaine. On a appelé ça par répondre. Si on rabat le corps, on retrouve le corps. Le corps. Donc. Musical restaurant, c'est parfait. C'est parfait. Rue Franklin Roosevelt, c'est parfait. C'est parfait. Parfait. Oh putain, il y a une petite photo. On a fait la photo de classe, j'ai pété. Et au moment où la photo. Donc sur la photo de classe, je suis pas comme ça. Et tout le monde autour fait waouh. Et puis après, il y a la fille qui vient et fait qui sait qu'il a pété parce que ça pue à elle sur la photo. Tu l'as, je l'ai claqué. Ouais, bah oui, bah oui, t'as bien. Oui, parce que nous, nous n'aimons pas l'accent. Chère cousine, je sais qu'en fait. Mais non, Lily est vraiment parfait. J'étais, tu étais, il était. En français. Sa mère. Ça passait mal, hein, sa mère. Alors, DJ Lionel. Non. Musical et restaurant. Attends, parce qu'il y a marqué. Ah, quant au pianiste Sergio et au DJ Nicolas, eux aussi, assurent. Mais on en avait parlé dans la première partie. You. Mais on appelle qui, là ? DJ. Musical Party. Oui. Soirée à thème. Soirée, on dit. Celui-là ou pas ? Oui, celui-là. Oui. Ah, ben c'est bon. C'est bon. Allez, vous êtes prêts ? Oui. Je me rends sur le site internet. Attends, fais voir si, quand est-ce qu'ils sont. Je suis en train d'appeler. Ok. Fais voir quand est-ce qu'ils sont. Bonjour, restaurant le musical, ne quittez pas, nous allons prendre votre appel. C'est super gentil tout ça. Oh, il nous parle de la musique de salle d'attente de dentiste. La musique qui casse les couilles, qu'on pourra plus en sensible, la musique. Restaurant musical, Morgane, bonjour. Bonjour. Donc, alors voilà, on vous appelle parce que je pense que vous connaissez Frise Radio, c'est une des plus grandes radios de France. Donc, je suis avec mes collaborateurs là. Patrick. Bonjour, je suis Patrick Poivre d'Arvor. Non, c'est pas vrai. Blague à part. Quoi ? C'est quoi cette blague ? Oh my god. Non. Mais blague à part, Patrick est très blagueur. Donc, 10 ans de Frise Radio, pardon. Enfin, donc, c'est une. Vous n'êtes pas crédible du tout. Bah, écoutez, madame, est-ce que si demain je me tape à votre porte avec la police à mes pieds, est-ce que je serai crédible ? À mes pieds, la police. Écoutez, vous n'avez pas le droit vous de me raccrocher. Vous avez déjà vu une diesel ? Eh bien, moi, j'ai deux fois pire. Donc, vous me montrez un petit peu de respect, s'il vous plaît ? Allô ? Mm-hmm. Donc. Mais je vous entends super mal, en fait. Je vais prendre une bite d'un gros fromage. Ok, ça va être clair. Que les choses soient claires entre nous, madame. Est-ce que votre restaurant est bien ? Ben, si vous m'appelez, c'est que vous avez dû vous renseigner dessus. Non, ben non, justement, si on vous appelle, c'est qu'on vous donne des renseignements. Donc, on vous. Non, mais blague à part, on aimerait vraiment manger dans votre musical restaurant avec Sergio au piano. C'est ça ? Et Nicolas Didier. C'est pour faire une fête pour les 10 ans de la radio. Donc, on serait à peu près combien ? Je me souviens. 500 plus. Environ. Jean-Michel Lapoire sera présent, bien entendu. De BFM TV. BFM TV, grand entendu. Exact. Et puis il y aura Louis Lapierre. Et donc, ça, ça bosse sur chez vous. Je vais venir travailler avec vous, non ? Ben oui, carrément. Ah bah oui, oui, oui, oui. Et puis je pense que vous connaissez Louis-Philippe aussi. Louis-Philippe de Picardie TV. Pardon ? Picardie TV, Louis-Philippe. Picardie TV, tout ça. L'émission, ça se met dans le slip, tout ça. Bah sinon, pas de bonne chose. Vous voulez pas me dire qui vous êtes ? Si ! Frise Radio ! Frise Radio ! Denis, je vous donne l'adresse ! Je vous donne l'adresse ! Non, non, mais sérieusement, sérieusement, madame. Je peux vous appeler Florence ? Florence ! Vous avez rien à faire. Mais si, mais c'est notre métier, madame. HTTP, W, non, HTTP, 2.// www.friseradio.over-blog.com. Et devenez fan sur Facebook par la même occasion, Frise Radio. Parce que pour l'instant, on est 13. C'est vrai qu'on aurait besoin d'un peu de soutien, là. Pense-en, Sergio, je suis sûr qu'il aimera. Vous y êtes, là? Vous y allez sur le site? Non. Ah, pourquoi? Vous avez mal noté, alors. HTTP, 2.// 3W. Non, pas 3W. D'accord, W. Non, pas 3W non plus. C'est HTTP, 2.// Frise Radio, direct. Ouais, Frise Radio, point over. Vous savez pas, vous allez faire ça, et vous allez dire si ça marche. Frise Radio, point over, blog.com. Vous y allez, là? Non, non, du tout. Alors, attends, on vous attend, on vous attend. Je suis en train de vous écouter et je suis en train d'essayer de comprendre ce que vous me dites. Et en fait, je comprends la moitié de ce que vous me dites. Attendez, ma mère est orthophoniste, d'accord? Donc, je sais pas si vous êtes défoncé, je sais pas à quoi vous marchez, mais en tout cas, ça a l'air de bien marcher. Hein. Ça marche bien. On a 500 auditeurs par jour. Ça a l'air de bien fonctionner, vos trucs sont donnés. En fait, je suis fatiguée en ce moment. Vous êtes fatiguante? Vous êtes fatiguée? Prenez un Denis Pratt. Asseyez-vous. Écoutez de la musique classique. Vous avez l'air bien en forme. On est bien en forme, effectivement. Ah ben merci, parce qu'au début, on était un petit peu fatigués, et là, maintenant que vous nous dites ça... Et là, on pète le feu, là. Vous voulez pas venir me voir? Ah bah si, on va venir. Vous êtes où? Bah voilà, bah vous... Attendez, vous allez me casser la gueule. Je suis là où vous appelez, en fait. Donc le plus simple, c'est que... Quoi? Vous êtes dans le téléphone? Vous êtes dans mon téléphone? Allô? Oui. Vous êtes dans mon téléphone? C'est là où j'appelle. Non, vous êtes en Picardie. Oui. Bah écoutez, c'est pas très loin, j'habite en Sardaigne. Bah voilà, bah alors vous prenez le train... Attendez, mais vous allez me casser la gueule ou quoi? C'est des menaces? Attention, hein. Je fais de la salle. Je mange des stéroïdes. Je vous rappelle... Je mange des légumes, moi. Ça rigole plus. Vous avez pris légumes par jour, madame. J'ai un transit intestinal qui marche du feu de Dieu, moi. J'ai un transistor. Attention, je fais des muscles. Je fais des pompes, 5 séries de 1 par jour. Mais ben si, c'est ce qu'on fait, musical. Sergio est ici, passez-moi Sergio s'il vous plaît. Pardon? Passez-moi Sergio s'il vous plaît. Sergio, il n'y a pas de Sergio ici, il n'est pas là. Alors Nicolas. Pas aujourd'hui. DJ Nicolas. Nicolas. Nicolas s'il vous plaît. Nicolas non plus. Essayez encore. Patrick. Patrick non plus. Ernest. Il n'est pas là Patrick. Ernest, il est là? Non, il n'y a pas de Patrick. Mais il y a qui avec vous là, madame? Vous êtes toute seule. Et moi, comment je m'appelle? Florence, on vous l'a déjà dit. Non, pas Florence, Florence, je sais comment ça s'appelle. Vous appelez, est-ce que ça commence par un L? Par un L? Oui. Non, pas du tout. Un M. Un M? Oui. Ouais. Marie. Monica. Marie. Pas du tout. Vous avez vu la honte, ça fait 10 minutes que vous me parlez, vous savez même pas à qui vous parlez. Vous avez pas honte? Mélissa. Non. Marion. Non. C'est pas possible. Monda. Si vous savez pas qui vous parlez. Mais je sais que je parle à une très jolie dame à l'autre bout du fil. Je sais que vous êtes blonde. Non, bah c'est là où vous avez tout faux, c'est que je suis horrible, je suis affreuse en fait. Mais non, non, faut pas vous dire ça. Gagnez confiance en vous, madame. Je vous ai déjà vu, je suis déjà venu à votre magasin. Moi aussi. Vous êtes très belle, je me rappelle. Vous avez une. Attends, je redonne confiance en elle. Là. Vous avez une. Bon, messieurs, vous avez une bonne discussion, j'en suis sûr. Qui vous dit que je suis un homme? Non, vous êtes très belle. Arrêtez, non, mais sérieusement, blague à part, vous êtes très belle. Il faut gagner confiance en vous, madame. Oui, c'est important. Il ne faut pas perdre la confiance, sinon... Myriam. Myriam. C'est ça? C'est ça? Non, c'est pas ça. Bon, alors dites-nous votre prénom, qu'on puisse se parler au lieu de se... Bon, messieurs, sur ce... Marise. Oh, vous n'allez pas nous faire croire que vous avez du travail, ça fait 7 minutes maintenant. Marilyn, c'est ça. non plus, c'est pas grave. C'est M-E alors, c'est M-E. Je vais vous le dire. C'est M-E, et c'est M-E. Elle va nous dire. Juste, je souhaite une bonne journée. Est-ce que vous pouvez dire notre prénom, s'il vous plaît? Juste le prénom. Le prénom, s'il vous plaît. Morgane. C'était ce que j'allais dire en plus. Putain. Très joli prénom, Morgane. Très joli prénom, Morgane. Oui, il y a que des belles filles qui s'appellent Morgane. Clara Morgane. C'est celui-là que vous auriez dû dire en premier. Et ouais, mais bon, vous avez c'est celui qui est arrivé là. Vous savez quoi, Morgane. On vous rappelle. On vous rappelle, on fait allô Morgane. Allez, on se rappelle. Ça sera déjà mieux, ouais. Ça sera déjà mieux. Non, mais vous allez pas répondre. Vous allez pas répondre. Aujourd'hui, parce que là, pour de vrai, je suis au travail et j'alterne déjà 10 minutes avec vous, je suis restée... Mais donnez-nous votre numéro portable, alors on vous appelle ce soir pour tenir compagnie. Je vous ai écouté en train de dire des bêtises depuis 10 minutes et je sais même pas pourquoi j'ai pas décroché. Parce qu'on fait de la radio, mais ça c'est très vrai, madame. On fait de la radio, ça c'est très vrai. Franchement, chapeau, hein. Écoute-moi bien, alors, madame. Écoutez, tu vas arrêter de me casser les couilles. Priseradio.over-blog.com. Monsieur, écoutez, vous nous donnez votre numéro de portable et on vous rappelle. Je m'appelle monsieur, je m'appelle Cusco. Donc 06. 06. Morgane. Morgane. Oh, c'était terrible. On s'applaudit. Et ça m'a fait de la peine parce qu'on devait lui redonner confiance en elle. Elle a dit non, je suis horrible, je suis pas super moche, je suis pas belle. Eh ben, on lui fait un. Eh ben, de pour la psychologie. Voilà. Pour l'instant, je veux pas dire, mais on s'éclate la pastille d'anus. Tout d'abord DJ Pat, et maintenant Morgane. Morgane, pour lui confiance sacré en elle. Morgane. Ça fait plaisir de retrouver on des amis. On la rappellera pour lui donner confiance en elle. Ne pas oublier la confiance en voilà. Soi, messieurs. Et mesdames. Non, on va arrêter parce que la pauvre, elle était sympathique. C'est comme cette jeune femme qu'on avait appelée. Je t'ai reconnu, Laurent. Je t'ai reconnu. Je t'ai reconnu. Et puis ce mec qui faisait une fête et qu'il était devenu super sympa avec nous, ça fait tomber, du bien de tomber sur des gens sympas un peu. Je pense qu'elle a pas noté l'adresse du blog, ça fait de la peine. Ouais. Surtout que. Et on rappelle, on fait. Ah, t'étais belle. Elle va raccrocher, on va dire. Ah, t'étais belle. Bon, musique, on se retrouve après. Black Eyed Peas Someday, on se retrouve juste après ça, les loups. Des gens plus intéressants que Patrick, plus intéressants que Morgane. Oui, vous n'en avez vu que la moitié. Vous avez vu Morgane, vous avez vu Patrick, peut-être que vous verrez Bernard. Non, ils l'ont encore entendu. Peut-être Alphonse. Mais aussi, on l'a pas vu. Personne ne l'a vu en fait. Je suis sûr qu'elle était très belle. Elle avait une voix, ouais, elle avait une voix sexy. sexuelle. Elle avait une voix sexuelle. On vous envoie. Elle nous chauffait là. En fait, allez, on se retrouve juste après ça. On se revoit samedi. Donc, pendant que la musique défile derrière ma voix, je vous dis qu'on se retrouve juste après ça. Voilà, excusez-moi, je me répète. On va essayer de ramener les pendules africaines pendant la musique pour voir si ça marche. Someday I'm gonna get it right, my life. Someday I'm gonna figure it out, maybe tonight, 'cause I know. I'm going Now breathe. Drop it. I came here from the Philippines in the plane with some big, big dreams. I left everything I knew behind me, like my mom and my family. People tell me that I ain't gonna make it. I got a finger in with all of them haters. In a minute, you're gonna catch the papers. 'Cause in a minute I'ma get my paper. Someday I'm gonna get it right. My life. Someday I'm gonna figure it out. Maybe tonight. 'Cause I know. Sometimes you wanna know, is there anyone to save you? Yeah. I know you've been down before, like underneath the ground. Still got another chance to turn it all around. Just know your time will come, so give it all you've got. Don't stop believing, so give it all you've got. Got. De retour après Someday des Black Eyed Peas, Morgan n'est plus là. Morgan est partie pisser, elle reviendra sûrement peut-être. La pauvre Morgan. Elle ne reviendra pas. Ça, c'est dur de se dire, elle ne reviendra pas. Elle ne reviendra pas. Bon, j'arrête de chanter parce que c'est. Non, chante pendant que je prends le numéro. Papa. Non, dis un truc intéressant, allez. D'accord. Ça top, c'est bon, ça appelle. Oh. Comment on met le haut-parleur? Oh putain, option. Oh putain. Du. J'ai peur. Active haut-parleur. Tiens le tiré. Pas là, merde, attends. T'inquiète, je te fais l'oreiller. Je mets du chaud dans le dos. La bouche à qu'un. Tu m'en fous, je bave là. C'est pas vrai. Ouais, c'est ça, vite. Qui ne bave pas la nuit. On rappelle Morgan ou pas? Allo Morgan? Allo Momo? Non, mais après ça devient casse-couille. D'un côté, on s'en fout, on la connaît pas. Apparemment, pas les choux. Oui, il y a 4 étoiles. Et 7 avant différentes théories de 4 étoiles. Oh! Et le musical, il y avait combien? 4 étoiles. 4 étoiles. Allez, venez, on va à Monica Media. Monica Media. On dirait qu'on y va, nous. Allez, viens, on va à Monica Media. Oh, attends, ils ont des cheveux gonflables, alors on va à Monica Media. Oh, non, ça se trouve, le mec il a cavalé tout, il s'est pété la gueule. On peut aller dans les jeux. On appelle Monica Media pour les jeux. Bonjour, c'est pour aller dans les jeux. Tu te rappelles de Monsieur Thalès? Exact. Monsieur Thalès, très bon en maths. Pardon. Troisième émission. Allez-y si vous n'avez rien à faire. Non, mais allez-y même si vous avez quelque chose à faire. Oui. Si vous devez aller à l'enterrement de votre mère, vous y allez pas. Frise Radio passe radio, c'est bien avant vous. La famille. Ben évidemment, bien entendu. Puis Frise Radio passe avant tout plein d'autres choses. Si vous devez vous suicider, vous écoutez Frise Radio. Et puis vous vous suicidez après Frise Radio. Voilà. Ou alors vous ne suicidez pas. Ou alors vous suicidez pendant qu'il y a Frise Radio aussi. Oui, ça sert. Mais ça m'étonnerait, vous n'aurez pas envie de ouais, vous n'aurez pas envie parce que. Oui, voilà, il est mort. Et voilà. Il était sur le blog Frise Radio. Ça sonne. Oui, mais je pense que si vous voulez vous suicider, vous pouvez le faire. Hein. Oui, c'est votre droit. Là, c'est mon truc, putain. Pardon, je touche la mousse, je me sens chez moi. Mais je suis chez moi. Tu dégages. Je me sens chez moi en touchant la mousse. Bon, on va appeler. On va appeler Monica. On va appeler Monica Media. Mais ça s'appelle Monica alors. Allô, Momo. Danseur échassier. J'ai demandé ce que c'est qu'un échassier, ça a une turbine. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un échassier? Au jour à qui ai-je affaire, ta gueule. Logan, il a senti la gueule. C'est une idée à la chasse. Non. Échassier. Tu n'as pas dit ça. Tu dis, c'est un mec sur les échasses. Ah. Monica. Oui, ta vraie Monica. Monica avait une voix d'homme. Monica. Puis si ça se trouve c'était Monica. Bonjour, c'est Monica. Si ça se trouve c'était Monico. Oh. On sait pas. On va taper DJ sur page jaune. Mais là on a tapé DJ Lionel. Parce que DJ Lionel, quelle émission? Deuxième. Que la fête. Je ne sais plus. Ouais, deuxième. Ouais. Allez sur la deuxième, que la fête commence. On avait déjà appelé, non? On appelle que la fête commence. C'est parti! Oh putain! Tu veux que je le fasse moi? Je fais le numéro. Ah, pas. Je Ah non, parce que après on te relève de Next One. Next ah, ça a changé, Next One. Club privé au cœur de Saint-Germain-des-Prés. Cadre chaleureux, tendance et intime. After on appelle eux? Les jeudis des 19h. Que la fête commence, on va appeler. Tiens, tu me fais chier. Oh, tiens, lui, il y a pas de mal. En direct de Paris. Radio. Pardon. Sans déconner, j'ai DVD les choristes. Ah mon dieu, Darius, a DVD les choristes. Oh, ça va, c'est bon, je l'avais compris. Ouais. Ah, tu fais des erreurs, non? Ah, oui, t'as raison, j'ai déjà mis mon tampon à l'envers. Sacré toujours le mot pour lui, il va s'en faire. Allez, dis-moi un DVD de merde que t'as. Les Tripettes de Belleville. Ah, mais c'est mieux ça. C'est toi qui me l'as offert. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu mens. Tu mens. C'est pas vrai. Tu mens. Dis-moi la vérité, John. Non, c'est pas vrai. Darius, il est très bon en cinéma. Si vous avez un problème, envoyez-lui un mail. Tiens, on va leur donner un numéro sur lequel ils peuvent nous appeler s'ils n'ont rien à faire pour nous encourager. D'accord. 06. Pas moyen, on donne pas le mien. Non, on donne pas le mien, c'est pas vrai. Mais laissez-nous des commentaires. Voilà, laissez-nous des commentaires, on vous répondra. Et puis si vous avez une forte poitrine, laissez-nous des commentaires. Et des photos. Et un numéro. Et voilà. Et une adresse. Ça va. Et voilà. Si vous recherchez... Et une pièce d'identité aussi, parce que sinon. Oui, parce qu'on prend pas les immigrés. Ta gueule. Ta gueule, merde, on va être banni maintenant à cause de toi. Putain. Bon, que la fête commence. On l'appelle. Tu fais chier, merde. Tu casses les couilles. Tu veux qu'Eric Besson le ferme là-dessus? Non, c'est plus Eric Besson. Jean-Luc Pissé. C'est Jean-Luc Pissé. Oui, bonjour. Bonjour. Que la fête commence. Que la fête commence. Que la fête commence. Que la fête commence. Que la fête commence. Allô. Oui. Oui, je pourrais me parler à Jean-Marc, s'il vous plaît. Allô. Allô. Que la fête commence. Allô. Que la fête commence. Oui, bonjour, je vous le passe, ne quittez pas. D'accord. D'accord. Il nous passe Jean-Marc. Il nous passe Jean-Marc. Oui, allô. Oui, bonjour Jean-Marc. Oui, ça va, moi je viens vous. Là, je suis à l'entrée du truc, là, je suis en train de démarrer le motoculteur, mais bon, ça va aller, mais il y a un problème, il n'y a plus d'essence à l'arrière. Ah ouais, merde. Ah ouais, donc, on pourrait peut-être appeler le chirurgien, parce qu'il y a un souci... Il y a un souci de bougie, quoi, tu vois, et il faut allumer la bougie, parce que là, on voit rien dans le garage. Ouais, je vois, ouais. Bah écoute... On va peut-être prévenir un radiologue aussi, là, de radio du... Ah ouais, merde, c'est fâcheux, ça. Bah, fais bousser le géorgien, comme tu dis. Jean-Marc. Et puis la grand-mère, elle va arriver pour tendre la blouse, et moi, je peux pas faire ça tout seul, vous voyez, parce que le président... En fait, si mon collègue passe avec François, il faudra lui demander de vivre la France, voilà. Merci. Et la grand-mère, elle arrive quand? Sinon, ça va. Mais ouais, ça va. C'est l'air d'être, un petit peu la merde. C'était neuf, c'est comme la poule, a pas fait neuf, on a rien pu faire. Mais Jean-Marc, c'est la merde là, non? Bah, de toute façon, ça dépend de l'idée qu'on s'en fait, ça dépend de l'endroit où on se trouve. Eh ouais, c'est la merde pour l'instant, Jean-Marc. Parce que si demain il pleut pas. Eh ouais, si demain il pleut, mais si demain il pleut. Je crois qu'ils ont un nom. Je crois qu'il pleut demain, comment tu fais, Jean-Marc? Demain, merde, comment on fait? Demain, il pleut pas, il fera beau, tu vois. Mais s'il pleut. Et vive la France! Vive la France! Ah ouais, vive la France! Bon, sinon, parlant de ça, j'ai un petit ami là, qui devrait rentrer à la poste. Par où il passe? Par l'entrée? Ou... Mais il y a qu'à passer par l'autoroute! Il passe par l'entrée des artistes, non, le coquin! Ah bah oui, vive la France! Vive la France, évidemment, Jean-Marc! Et l'autoculteur, alors, il est en panne! Et la grand-mère! Et le géorgien! Et le bonjour de Vincent. Ah, bonjour de Vincent. Comment vas-tu, ce bougre? Je l'ai pas vu depuis si longtemps, Vincent. C'est le bonjour de Vincent. Mais j'ai compris. Non mais attends. C'est génial. Ben je lui retourne le bonjour. Non mais pas Vincent, c'est Vincent. Mais oui, je sais qui c'est, Vincent. C'est bon. On était en pensionnat ensemble. Tu vois qui c'est, Vincent? Mais oui, bien sûr. Mais oui, je vois qui c'est, Vincent. Non, attends, c'est qui, Vincent? Vincent, bah c'est celui qui t'a mis le Hulk en sang. Sacré moment, Jean-Marc. Sacré Jean-Marc. Ouais, j'ai compris. Quand tu dis. Elle est énorme, hein. Ah, sacré Jean-Marc. Mais. Le Huc en sang. Comment on fait alors? On se retrouve comme d'habitude? Non, mais bon, soyons sérieux. Le motoculteur, tu fais rentrer par l'entrée, d'accord? Pas par la sortie. Je veux pas du tout qu'il rentre par la sortie, d'accord? À l'arrière de la boutique. Ah oui, hein? Parce que s'il pleut pas, on pourrait. Mais s'il pleut! Mais s'il pleut, comment on fait, putain, Jean-Marc? Mais ouais, Jean-Marc, faut entendre Vincent, hein? Mais non, Vincent, on a mis le Huc en sang, c'est fini là, je lui parle plus maintenant. Tu vois qui c'est, Vincent? Oui, je vois qui c'est, Vincent. C'est qui t'a mis le Huc en sang? On était au poisson ensemble et puis on l'a mis Huc en sang, c'est qui Huc? Voilà, j'ai mis en sang. J'ai peur. Non! Non! Sacré Jean-Marc! Mais. Jean-Marc? Ben oui, je l'ai mis en sang! Non! Tu m'étonnes que je l'ai sorti passer, ce Vincent! Non, pas vraiment! Ben oui, Vincent, je vois qui c'est, Vincent! Tu vois qui c'est? Ben oui, je vois qui c'est, Vincent! C'est celui qui m'a mis le Huc en sang! Non, c'est moi qui lui ai mis le Huc en sang! Mais oui! Ah, ah, sacré Jean-Marc! Sacré Jean-Marc! Oh! En fait! Pardon? En fait! Oui, qu'est-ce qu'il y a? En fait! Au fait quoi? En fait! Au fait, mais non, ça veut dire au fait, ça veut dire qu'il a compris! Auprès de la blonde qui s'est renfermée en danger! Auprès de la blonde! La fumière est partie, Jean-Marc? Jean-Marc, c'est quoi le suppos qu'ils t'ont donné là? Comment tu te sens? Je viens de passer à l'infirmière parce qu'on n'a pas le droit au portable pendant plus de 10 minutes. Ah, dommage. Passe-moi l'infirmière. Ben ça va, c'est bon. Ouais, vas-y, passe-moi l'infirmière. Parce que là, on n'a pas le droit au portable pendant plus de 10 minutes. Passe-moi l'infirmière, Jean-Marc, je vais lui parler, moi, tu vas voir. Je vais mettre le Huc en sang. Passez-moi à l'hôpital. Ok, ça va. Passez-moi, vous êtes loin? On est à côté là, on est en bas. On est à côté, on traverse la route, on arrive. Ah, merci. Et si on vient, c'est pour te mettre le Huc en sang, hein, mon petit Jean-Marc. Je suis un petit peu énervé là, Jean-Marc, donc je vais te mettre 4 plaques et puis je vais te mettre en position magasin. Il faut passer au poste de garde, hein. Quoi? Il faut passer au poste. Mais je les connais, les gardiens, Jean-Marc. Non, mais les gardiens, j'ai déjà mis le Huc en sang plusieurs fois, t'inquiète pas, Jean-Marc. Et vous êtes venu voir Vincent. Mort. Sacré Huber. En fait, vous êtes venu voir Vincent. Eh, Vincent. J'ai mis le Huc en sang. Bon, Jean-Marc, comment on fait pour le chirurgien? Jean-Marc? Il va vous envoyer aux urgences direct pour Vincent. Mais Jean-Marc, comment on fait pour le chirurgien? Faut que la motoculteur ait pas de derrière, c'est la merde là! Si demain il pleut pas! La bougie! Ouais, la bougie, faut que tu la changes surtout, hein! Ouais. Et au fait! Ça, c'est pour ça. Au fait, quoi? T'as le bonjour! De Vincent! De Vincent! Non, pas de Vincent! De qui? Bonjour Vincent. Ah. T'es un peu con, Jean-Marc, hein. Tu vois qui c'est, Vincent? Jean-Marc, c'est ta sœur, voilà. C'est celui qui a mis le Huc en sang. Non. Mais non, pas celui-là. Vincent qui, alors? Lequel? Il s'étouffe. Mon Dieu. Eh, hey, tu vas mourir, là. Oh. Ah, il s'étouffe. Mon Dieu, essaie de te mettre sur le côté, Jean-Marc. Respire. Bon, Jean-Marc, je vais te laisser. On te laisse, Jean-Marc, à plus. Jean-Marc? Je crois que t'as ouvert la page de SFR qui a fait que ça a raccroché. Non, j'ai éteint ton portable. Non, j'ai éteint ton portable. Bon, ben voilà. Voilà, on va pas dire au revoir, Jean-Marc. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je crois qu'il avait un problème psychologique. Mais tu crois que... Il est pas dans un asile parce que... Non, parce qu'au début on a appelé et on s'est réellement gavé parce qu'on a dit passez-nous Jean-Marc et je sais pas si c'est la vérité ou si c'était direct. Mais attends, c'était... C'est qui qu'on a appelé? Que la fête commence. Donc Cusco s'est fait de l'air avec son caleçon. C'est crâne. Voilà. Donc en fait, non, on appelle, on dit passez-nous Jean-Marc. Donc je sais pas si au début c'était prévu dès le début, mais au début on a eu un Georgien, une grand-mère. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un chirurgien, une grand-mère, un motoculteur qui devait passer par derrière. Ensuite, on a eu la grand-mère qui devait passer la tondre la pelouse parce que lui, il sait pas comment ça marche. Et puis s'il pleut demain, c'est la merde en fait. Il a dit voilà. Ça. En gros. Et Vincent, bon, Vincent, je crois que c'est son héros. Ah, tu peux que parler de Vincent. Ouais, et Vincent, on a mis le Hugues en sang. Luc. On va te faire écouter de ça. Ouais, Luc. Ouais, c'est assez exceptionnel. C'est quoi lui? Putain, celui-là, il est génial. Hein. Ben, les trois, Morgane. Mais je comprends pas comment, en appelant un truc de fête, on tombe sur un fou comme ça. Non, parce qu'au début, je comme crois quoi, que. Les fous font la je fête. Crois qu'au début, eh ben, il nous a cru pour de vrai. Je sais pas ce qui s'est passé. Parce qu'au début, il était très sérieux. Et au début, ouais. À un moment donné, j'ai cru qu'il ne nous parlait plus à nous. Et en fait, si, il nous parlait à nous, parce que quand il posait des questions, il répondait. Donc, ben, on va s'écouter une musique. Oui. Tana rap. Ok. Tana Tempa. Tiny Tempa. Tiny Tempa, bon, elle est connue. Hein. Wait on in the stars. Ouais, non, voilà, bon, en version mieux. Voilà. Couche ta gueule. On se retrouve juste après ça. Et pour l'instant, je veux pas dire, mais pour l'instant, on enchaîne les mots. Que des collecteurs. DJ Pat. DJ Pat, en passant par Morgane. Et Morgane la pauvre. Vincent, non, comment ça s'appelle ? Jean-Marc. Et Jean-Marc. Et Jean-Marc. On se retrouve juste après. Pas avec Bernard, non, pas cette fois, mais avec un autre. Voilà, on se retrouve juste après, soyez sages. Tana Tempa, Sandy, Steady Yashi. Non. Return in the Storm. Je confondis avec Yashi. Tana Tempa, Return in the Storm. Allez, je te laisse dire au revoir. Au revoir. Oh, written in the stars, a million miles away, a message to the main. Oh, seasons come and go, but I will never change, and I'm on my way. Let's go. Yeah, you're listening now. They say they ain't heard nothing like this in a while. That's why they play my song on so many different dials. Cause I got more fucking hits than a disciplined child. So when they see me, everybody barack, barack. Man, I'm like a young gun, fully black, barack. I cry teardrops over the massive attack. I only make hits like I work with a racket and back. Look on my jacket and hat, so damn berserk. So down to earth, I'm bringing gravity back. Adopted by the major, I want my family back. People work hard just to get all their salary tax. Look, I'm just a writer from the ghetto like Mallory Black. Man, where the hell for the sanity at? Damn, I used to be the kid that no one cared about. That's why you have to keep screaming till they hear you out. Était très bien en tout cas, et je peux te dire que c'était pas... ton chanteur de merde que je ne connais même pas le nom. Non, c'est Tana Tempa. Ouais, voilà, Reading in the Stars. C'est la merde. Et ce n'est pas tampon tampa, hein. C'est la merde. C'est Tiny Tampa. C'est Tiny Tampa. Tanai. Dans Tiny. Lui, tu le prononces comment, toi? Au concert de Usher, c'est lui qui a fait la première partie. Et il disait Usher, c'est une merde. Usher, c'est une merde. Je suis pas sûr. On passera à Usher tout à l'heure. Alors. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Usher, c'est une merde. Voilà. Non, une merde. Un jour, on va devenir super célèbre et on va recevoir Usher. Et puis après, il retombera sur la sextrée et on dira Usher, c'est une merde. Bon, Usher est très bien. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Je suis un grand fan. Mais pas moi. J'ai vu son film sur sa vie. Bon. Quoi, il a fait Cusco, t'es avec nous ou quoi là? Cusco est avec vous, les enfants. On va appeler le président. On va pas appeler le président. Non, parce que c'est pas du tout chinois, ça. Hein. C'est le nom d'un restaurant chinois, mais. Le on va appeler le président. Viens, on l'appelle, on dit, mais c'est quoi ce nom de merde? Allez, on va appeler. On va appeler, ça. Alors, attendez, non, on appelle et on dit, monsieur le président. Non. On appelle un restaurant qui s'appelle le président, et c'est un restaurant chinois, donc rien à voir avec le président, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Et attention, c'est pas de la merde parce qu'il a obtenu le dragon d'or de la gastronomie chinoise. On n'invente rien, c'était cuit. Oui. De 11h30 à 15h. Bon. De Hong Kong. Ça sert à rien d'appeler, c'est de 11h30 à 15h. Nous n'allons pas appeler car nous sommes en dehors des heures d'enregistrement. En revanche, Pingso. Restaurant Tong Yen. Et si je sers en Tong. Ah, la blague de l'année. Allez, on appelle ça. Rue Alger. Non, ça. Non, c'est pas ça. Nous, c'est rue Jean-Mermoz. Tout ça sable, tout ça sable. Et les bleus. Et là, j'appelle lequel? On est tous ensemble. Celui que tu sens. Celui que tu sens. Allez, les bleus. On est tous ensemble, c'est le grand jeu. Sachant que ça, c'est la le fax. France est debout. T'appelles pas ça, sachant que ça, c'est le fax. Ah oui. Lequel, voilà. Lequel? Le deuxième jeu. La France est debout, notre passion toujours nous rassemble. Allez les bleus, on est tous avec vous. S'appelle. Voilà, c'était la petite chorale, Estad chorale. C'est mieux que le cher, hein. Ouais. Nous, on est cher, on est pisse à la rue. Mon ouvrier. Le chien à la bouche. Bonjour. Oui, bonjour, Tong Yen. Oui. Bonjour Tong Yen. Oui Tong Yen. Ah ben oui carrément, évidemment, oui. Allô Tong Yen. J'en ai 36 lignes, hein. Si vraiment vous pouvez un peu. Non mais excusez-moi, je parle pas très bien français, vous pouvez parler un petit peu. Ah allô, wa tout si. Ah. Je sais parler chinois, je vais lui parler chinois, je vais lui dire j'ai fait en chinois. Ah, allô. Attends, elle a dit qu'elle était en ligne. Tu t'appelles Tong Yen. Moi, ça m'a pas changé, Tong Yen. Elle est confortée, la connaisse. Cours de chinois. Écoutez, ça pourra vous servir un jour. Si vous appelez Tong Yen. Allô? Bon, coupe ta gueule. Non, elle a dit qu'elle est arrivée. Bon, alors elle a dit qu'elle est arrivée, mais bon. Mais c'est une connasse. Bon, ça y est là. De toute façon, il n'y a aucun chinois qui va manger la bouffe chinoise. Apparemment, son oncle est mort. C'est bon, coupe. Ah non, sa tante. Allô? Mais non, mais allô? Oui, allô? Wa tout si or. Un petit peu, oui. Vous pouvez me parler en chinois parce que tu comprends pas très bien. Va parler chinois. D'accord, allez-y. Allez, parlez chinois. Vous commencez. Non, mais moi, non, mais parce que en fait, je sais. J'ai en plein conversation, j'ai abandonné tout pour vous là. Ah, désolé. Vous avez raison, je suis unique. Mais en fait, c'est parce que je sais que dire Watutsi. Ah. Ah oui, bah raccroche le nez alors, hein, parce que franchement, tu vas perdre ton temps avec nous. Raccroche le nez. Non, c'est pas grave, on rappellera une fois quand t'auras pas tes règles. Vous voulez prendre le cours chinois? Oui, s'il vous plaît. Dites-nous juste bonjour en chinois, s'il vous plaît. Comment on dit bonjour? Ni hao. Ni hao. Les Chinois qui parlent en Chine. D'accord, ça va. Eh ben, écoutez, on vous rappellera quand vous aurez fini. Wow, comment dire au revoir? Comment dire au revoir, s'il vous plaît? D'accord. Au revoir. Quoi? Au revoir. Au revoir en chinois. Tatiana, okay. Tatiana, à tout à l'heure. C'est pas l'allemand. À tout à l'heure, Yar. J'ai plein de choses à faire. Parce laissez-moi que dormir, d'accord. Ni hao. Eh ben, nous vous laissons, madame. D'accord. Vous êtes trop raciste. Non, madame. En fait, je n'aime pas du tout le chinois. Je ne sais pas pourquoi je vous appelle. Autant qu'à faire, rendez-moi un petit service. Ah, vous parlez français là, j'avais pas compris, j'ai entendu bon, j'ai entendu bon, j'ai entendu. Bon, écoutez-moi d'abord, pour aller. Non, je t'écoute pas. Comment il faut faire? Pour faire quoi? Pour aller à moi, Crémoin, qu'est-ce que je comme ça là? Il faut prendre le train. Ah oui, alors vous prenez la ligne RERB, vous changez à d'enfer Rocheteau. Quoi? Il y a le chauffeur, mais nous, il n'y a pas de chauffeur, donc on est obligé de conduire soi-même. Eh ben oui, carrément, ouais. C'est le mieux, hein. Il faut conduire soi-même. Prends quelle autoroute? C'est extrêmement rapide. Je sais pas. Ah non, mais elle ne nous parle pas à nous, en fait. Si, elle nous parle à nous. Vous lui parlez à nous, là? Si t'es pas sérieux, je vais accrocher. Si tu connais pas, je vais accrocher, je vais chercher de ma... Tunnel. Ah, non, mais vous voulez aller où? Mais en fait, j'ai pas entendu où vous vouliez aller. À Kremlin-Bicêtre. Moi, je suis allée déjà 36 fois, mais je reconnais jamais. Une fois sorti de Paris, je connais rien. J'ai quelqu'un qui conduit, mais il faut qu'on l'explique à peu près. Il faut prendre quelle autoroute? Ah, il faut prendre l'autoroute. Attendez, vous voulez aller où? J'ai pas compris. Vous voulez aller où? Au Kremlin-Bicêtre? Non, oh, imbécile. En douille. C'est Kremlin. Hey, je me marre pas comme ça, d'accord? Écoute, j'ai un professeur chez nous. Attendez, attendez, expliquez-nous où vous voulez aller. On est prêt à vous aider, sérieusement. Je vais à... Oh, tu me troubles là, j'explique. Moi, c'est crème... Oh là là, oh, tiens, c'est bizarre. Moi, c'est quelque chose là, moi, c'est crème quelque chose. Moi, si. Roissy. Roissy, vous allez à Roissy. Hein? Roissy avec un R comme Robert. Oui, voilà. Voilà, ah ben je sais où c'est alors, Roissy. Je sais où c'est Roissy. Roissy, c'est l'aéroport. Moi, si, avec M comme Marie. Moisy, comme moi, là. Ça n'existe pas. Ah, moisy, quand le nez est moisy. Moisy, crème moyenne. Crème moyenne. C'est tout un programme, vous me direz que c'est pas loin de Melun, mais Paris, il faut pas prendre Melun. Est-ce que c'est à côté de près de vous? À côté d'où? À côté de où vous êtes, vous? Nous? C'est à l'autre, hein? C'est à l'autre bout de Paris. C'est dans Paris, déjà. Moi aussi, je pense que c'est dans Paris. De Paris, là, à partir de Port-Chauzy ou Créteil, là, il faut aller comment? Attendez, à partir de Créteil, à partir de Créteil. Ah, attendez. Alors, on est sur la carte, on va vous aider, hein, vous inquiétez pas. On est sur la carte, madame. On m'a dit de prendre National 6. Ouais, c'est ça, c'est ça. Oui, et ensuite, je prends National 104, non, c'est ça? Ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. Attendez, on a la Nationale 6. Attendez, la Nationale 6, elle est où là? Ah, mais vous prenez le métro? Elle est à Créteil parce que je dois prendre ma copine à Créteil. Je dois prendre pour Chancy, tu vois. Donc, enfin, en tout cas, c'est le bon direction. On sort pas la Nationale 6, c'est bon. Mais après, on va rejoindre un autoroute. Un autoroute. Ah, mais je sais, oui, tu prends l'autoroute A106. A104. Non, A106. A106. Ouais, je crois. Vraiment, je crois, hein. Ouais, ouais. Melun. C'est pas là? Non, mais oui, comment ça? Attends. Vous venez conduire, je vais payer par l'heure. Ok, ça va. Non, on n'est pas un taxi. Ah non, mais je fais pas taxi. En fait, je me suis cassé la jambe. Ma mère s'est suicidée. C'est pas n'importe quoi. Je suis le médecin. Si tu veux te guérir, dis-moi un mot et puis comme ça, je te fais par loin et tu vas te guérir tout de suite. Comme ça, demain, tu seras debout. Demain, je serai debout? Ouais, pour me rendre service, hein. Ah bah, il faut que me faire une pipe et demain, je suis... Quoi? Oh, t'es pas gentil, t'es un peu... Mais on rigole. Je rigole. Je vais chercher dans le plan et je vais me... D'accord. Qu'est-ce que c'est votre prénom? Excusez-moi, qu'est-ce que c'est votre prénom? Qu'est-ce que c'est votre prénom? Parce que là, on est sur la radio, on est sur Freeze Radio. Allez, bon week-end. Est-ce que vous aimez la radio? Est-ce que vous aimez Freeze Radio, madame? Je vous inviterai à manger, d'accord? Très bien, volontiers. Putain, c'est quoi l'adresse? J'arrive, ne bouge pas. Je suis à Marseille, ça devrait être un petit peu long. Vous entendez 4 personnes, mais 5 personnes, ça m'étonnerait, hein? 5 personnes. Vous entendez? Non, juste 3 personnes. 88. 88, 12. Non. Vous avez dit 7 ans et demi, pas personne. D'accord. Écoutez, c'est quoi votre prénom que je dise que je suis invité par vous? Je me dérange plus parce que si les clients dérangent, bon, je peux pas être en main. Ah, il faut prendre la A8! Il faut prendre la A8 pour aller à Montrouge. Allez, ciao! La A8! Allez, ciao! Il fait beau là. Ok, allez, ciao. C'est quoi votre prénom que je dise que c'est vous qui m'avez appelé? Ni hao. Terrible, ah, terrible. Alors à la base, on vient pour prendre des nems et elle veut qu'on l'aide à s'opérer dans Paris. J'ai rien compris. Celle-là, je kiffe. Ah, putain. Ah, elle est tellement belle, cette chinoise. Si tu me fais une pipe, demain, je suis surpris. Mais... T'as cassé tout le truc en disant ça, merde. Elle était partie, elle a des droits. Allez, mais c'est très raciste. Mais en plus, au bout d'un moment. Mais non, c'est très raciste. On a rien contre les, on a rien contre tous les gens de pays de l'Est, les Chinois. Rien du tout. En fait, rien du tout. J'ai beaucoup d'amis chinois d'ailleurs. Le truc, c'est que. Notamment Tanoa. Elle était pas chinoise en plus. Elle était de Corée ou je sais pas quoi. Non, elle était chinoise, je pense. Parce qu'elle était terrible. Et moi je lui ai dit, j'ai fait en chinois, vous avez mais vu. Mais elle nous a invité. Elle nous a dit, je vous invite. Moi je dis, c'est quoi votre prénom comme ça? J'étais à fond moi, ouais, merde. Bon, on la rappelle. Mais attends, au bout d'un moment, en plus on avait sorti la carte. Ouais, et tout, on avait sur sorti Internet. La carte pour l'aider sur. Et au bout d'un moment, t'avais moi, trop si. Le bon zoom toi, pourquoi t'as changé? Je sais pas. T'avais parce trop le bon zoom, on allait l'aider et tout, et après. Bah, tu aurais dû rezoomer. Mais non, mais j'ai tout foiré. Putain. C'est pas grave, c'est pas grave. Je suis désolé. Je viens de me rendre compte qu'il y avait un resto chinois avec une piscine. Non, un resto chinois avec une piscine. Ah non, il y a des chinois. Ah non, la piscine chinois. Au gingembre. Il y a des chinois, c'est promis. Là. C'est la, la. Pingso, ça s'appelle. On la, appelle ça la, Pingso, la, on appelle Pingso. Appelons Pingso. Sachant qu'on n'a pas un seul canular qui a donné un coup foireux pour l'instant. Pour l'instant. On a eu que des collecteurs entre bancal. Pat. Ah oui. C'était quoi le dernier? Jean-Marc. Jean-Marc. Et je sais pas comment elle s'appelle. Et madame la chinoise. Je savais pas comment elle s'appelait, je suis deg. Bon, on appelle Pingso. J'aime bien au début, elle nous dit à la fin, elle nous dit, mais vous voulez quoi en fait? Mais elle me dit, mais aidez-moi. Ouais. Et le mec à la fin, il y a pas dit qu'il dit, mais moi je voulais juste des nems. À la fin, pour l'aider à se repérer et tout. Non, mais n'importe quoi, on appelle avec mon téléphone. Bon, ouais, parce que, hein. Bon, ok, dièse 31 dièse. Je sais pas comment on met le haut-parleur par contre. Hein. Putain. It's a beautiful day. Tout à l'heure, on passera. Dièse 123, bien. Une chanson extrêmement bien. Oui, on vous dit pas le nom. On vous dit pas le nom, mais elle est vous allez kiffer, elle vous allez déchirer la de bien mon pote. Je l'écoute mais tous un les jours de malade. À chaque fois, j'ai un moment donné à moi dans la journée, je m'écoute cette chanson. Oui, parce que ça me remémore les bons moments de ma vie et pas les mauvais parce que c'est les bons moments donc c'est pas le. Attends, Cusco va me dire la chanson dans l'oreille. Dis-moi la chanson dans l'oreille. Ouais, elle est terrible, elle est terrible. Pingso. Oui. Ah ben bah, je quitte pas. Oh il m'a raccroché là lui. Non. Attends c'est comme ça non. C'est bon je l'avais mis. Ah merde. Pingso bonsoir. Oui bonsoir Pingso. Il y a un bar chinois. Comment? Est-ce qu'il y a un bar chinois? Oui il y a un bar chinois mais c'est pas. C'est nul. C'est pas bien. Si, il est ouvert. Mais je sais pas vous m'avez dit que c'est nul. Vous êtes pas sûr dans le bar chinois vous avez pas. Ah c'est nul. Là, il est nul en fait ce bar. Parce que moi je viens exceptionnellement pour le bar chinois en fait, donc s'il est nul, je viens pas. Comment? Vous venez de me dire que le bar chinois était nul. Non, j'ai pas dit ça. Vous avez dit il est vous nul. Pas appelé sur elle a pas dit bon il est nul, Jean-Marc. Elle a dit il est nul, vous avez dit qu'il était nul. Non, j'ai pas dit ça. Vous avez dit qu'il était nul, madame. J'ai dit que ce n'était pas vous le bon. Vous avez dit qu'il était nul. Ah, elle a dit que c'est pas sûr. Ah, c'est pas sûr qu'il soit nul. Par exemple, si vous deviez mettre une note sur 10, vous lui mettrez combien? J'ai pas de temps pour jouer à ce jeu-là. Écoutez, madame, j'en ai marre, je suis très sérieuse là. J'aimerais avoir une nuit pour l'hôtel. un hôtel pour la nuit. Et madame, comment ça se fait qu'un bar ait les yeux bridés? Mon Dieu. Il y avait un gros plan, il fallait trouver quelque chose à dire, et ben moi j'ai trouvé. Voilà. Il y a un blanc et j'avais. Je vais chier. Bon, tu sais quoi, franchement, je vais prendre vos cartes SIM parce que mon haut-parleur il envoie fort. Ah ouais? Il est hyper bien mon haut-parleur, tu oses me dire, Francis? Ouais, c'est Johnny. Quoi? Olé! Il était bien mon haut-parleur, franchement, ma cravate en forme de. Oh la musique! On s'écoute cette chanson qui est terrible, qui tue! Qui tue! Elle tue, elle est trop bien! Mais c'est pas la chanson qui te fait une petite mort de merde, hein. C'est la chanson quand elle te tue! On va le laisser se reposer parce qu'il est vraiment. Alors on va envoyer la musique parce que. Le pauvre, non! Il est rigolo! Allez, une petite blague que tu as sortie tout à l'heure qui était rigolo! Une petite blague? Allez, une petite musique! Ouais, voilà, après pour la blague! il va se passer un truc phénoménal après la musique! Restez avec nous, il va se passer un truc phénoménal! un truc de parce que nous on le sait parce qu'on voit ce qui va se passer et on sait qu'il va se passer un truc phénoménal. Parce que nous on a un programme pour faire l'émission. Ouais. Donc même, nous hein. Là on a dans l'ordre. Mais pas les touristes. Donc dans l'ordre il y a marqué Pat, Morgan, Jean-Marc, la chinoise et après il y a marqué phénoménal. Voilà. Donc, non il y avait encore l'autre chinoise. Et après, ouais. Il y a... Non mais l'autre chinoise elle était nulle. C'était un truc pour faire passer le temps tu vois. Mais t'en fais pas. Elle était terrible, c'était le meilleur candidat qu'on a jamais fait. Mais celui qui vient après est phénoménal. Phénoménal. Donc restez avec nous, on va tomber sur un calendrier phénoménal. Il va se passer plein de trucs phénoménal. Darius va faire un truc phénoménal. Kouchko va faire un truc phénoménal. Là, il est en train de s'arracher les poils, c'est phénoménal. C'est phénoménal. Allez, t'es pas phénoménal. Là, je vais faire le prochain. C'est dégueulasse. Tu traces tout sauf ça en fait. Mais non, je me rase rien du tout. Oh, t'es où? Portugal. Voilà. Et ben voilà. Allez, goodbye. On annonce que le disque est fini. C'est les inconnus. Donc, phénoménal. Pendant que la musique défilait à ma voix, je commence à partir maintenant. On se retrouve juste après pour un truc phénoménal. Et puis, si vous voulez réécouter notre émission, c'est toujours sur http://www.overture.com. Bien, je me rappelle plus ce que c'était. Donc on était en train de se dire qu'on avait tout ce qu'il fallait pour faire une fête. On avait la bouffe avec Madame Chinoise qui se perd à Paris. Ah t'es dire chinoise donc. Ta gueule. On avait la musique avec DJ Pat. On avait la musique DJ Pat. Après on a la salle avec Morgan et enfin la logistique. Les installations avec Jean-Marc. Il sort l'asile d'ici là. Hein. Oui. Donc big up à Jean-Marc. Il manque qu'une seule chose pour faire cette fête, c'est vous. Donc si ça vous intéresse, c'est à Paris, on n'habite pas à Paris, mais vous prenez la ligne 35, la ligne rapide. La nationale 7, c'est dégueulasse. Donc vous prenez la nationale 7, comme l'a dit Je cours. Enfin, voilà. Je sais pas. Venez à Paris. Venez, réunissez-vous sur notre page Facebook. Oui, Prise Radio Facebook. On est un peu plus de 13. Non, on est 130 000, rappelle-toi. Ah oui, c'est vrai. On est 130 000, non, on est dépassé là. Parce que c'est au début qu'on était 13. On était 13 au début. Non, le 5 secondes après l'avoir créé, on était 13 en fait. Ça, le truc. Donc, rejoignez-nous sur notre page Facebook. Allez sur http://prisradio.over. http://. Allez sur Facebook, il y a le lien. Ouais, voilà. Et puis comme ça, vous verrez plein de choses extraordinaires sur Facebook. Il y a plein de choses extraordinaires. Génial. La dernière fois que j'y suis allé, il y avait plein de choses extraordinaires. Oui, donc, il y a plein de choses extraordinaires. Allez sur notre Facebook pour voir plein de choses extraordinaires. C'est Alice au Pays des Merveilles, notre page Facebook. Et ouais, carrément, il y a plein de choses extraordinaires. Ouais, ouais. Il y a des choses extraordinaires, carrément. C'est génial, tellement c'est extraordinaire. Mais franchement, parce que quand vous voyez, vous y attendez pas. Vous êtes comme ça sur Facebook, banal et tout. Puis d'un coup, vous y allez, ça vous éblouit les yeux, vraiment. Moi, quand j'y étais, ça m'a vraiment ébloui les yeux. Je me suis éjaculé sur moi-même. On a tous eu un petit coup de blues. Tous eu un petit coup de blues dans la vie, mais il faut aller sur la page. Il faut aller sur Prise Radio. Hein. Prise Radio au Facebook. Ça s'écrit comme ça se prononce. Je pense qu'on est les seuls à avoir Prise Radio sur Facebook. Il n'y en a pas d'autres. Parce que Prise Radio, ça veut dire chauve. Prise Radio, ça veut dire quoi, en espagnol ? Souvent illimité. Jamais égalé. Voilà. Donc, attendez, Prise, ça veut dire un truc en espagnol. Prise veut dire quelque chose en espagnol. Darius va en vérifier la chose. Attends, mais si ça veut rien dire, c'est la déception quand même. Mais non, ça ne veut rien dire, on s'en fout, nous sommes français. Non, on est espagnol. Ah oui, c'est vrai. Non, on est français. Attends. Eh bien non, ça ne veut rien dire, Frise, mais ça veut dire si, c'est synonyme de joie et de bonheur, oui. Et de convivialité. Oui. Si jamais vous faites un samedi, un repas familial, vous n'avez rien à faire, que la grand-mère a des envies suicidaires, tout ça, vous mettez Frise Radio, tous autour d'un feu. Non, c'est dégueulasse déjà ça. Il n'y a pas d'envie suicidaire, enfin si, mais il ne faut pas y penser. Non. Ouais. Donc vous avez juste à mettre Prise Radio, n'importe quel moment de la journée, de la vie, de la nuit. N'allez pas en cours, écoutez Frise Radio. Voilà. N'allez pas au travail, finissez chômeur, écoutez Frise Radio. Oui. Voilà, Frise Radio. Enfermez-vous dans votre cave et puis tuez des hamsters et écoutez Frise Radio. Exactement. C'est une bonne idée. Ben, les hamsters, enfin, les hamsters, c'est sympa. Mais, mangez des burritos. Des araignées, voilà. Frise Radio. C'est bien les araignées. Écoutez Frise Radio, allez sur la page Facebook encore. Allez sur le blog, donc cette fois-ci, on a c'est Cusco qui va nous donner deux langues de Cusco. Oui, www.friseradio.over-blog.com. Tu fais quoi des HTTP ? Quoi ? HTTP, ils se mettent automatiquement, on s'en bat les couilles. Ah, il a raison, le TU. Voilà, on espère que vous avez passé une bonne émission, c'était chouette. On s'est gavé, on s'est vraiment donné. On vous a parlé de quelque chose d'exceptionnel, rappelez-vous les enfants. Donc, c'était tout ça, c'était pour fêter les 1 an de Frise Radio. Oui. Donc, et puis, peut-être que la prochaine fois, peut-être qu'on fera une vidéo et on la postera sur la page Facebook. Exactement. Voilà, on va vous donner des nouvelles, évidemment, sur la page Facebook. Rendez-vous sur la page Facebook, c'est chouette, Facebook. C'est chouette, Facebook. C'est pratique. Et Dieu créa Facebook, alors... voilà. Non, mais... Monsieur Facebook... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va y avoir d'autres émissions qui vont venir. On sait qu'à un moment donné, on avait dit qu'on arrêtait, mais on va reprendre. Oui. Parce que quand on fait des émissions comme ça, quand on tombe sur des gens qui on se la jouent à l'américaine, des gens qui se la perdent DJ Pat et des Morgan, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, hein. Ouais. Ouais. Sans oublier des Jean-Marc. D'ailleurs, big up à toutes ces personnes. Jean-Marc, si jamais ils nous écoutent. Il y avait qui aussi ? Il y avait DJ Pat, je l'ai dit. Ouais, ouais. C'est bon, on pourrait rappeler Morgane pour la femme, on n'a pas envie, on a envie de la laisser tranquille, la jeune femme. Voilà. La pauvre. Elle doit être partie. Un best-of aussi. Un best-of également qui va suivre. Qui va suivre dans pas longtemps. Donc, prochainement, dans vos salles. Qui tiendra des moments de cette émission, même si cette émission est un best-of à elle toute seule. Hein. Exactement. Elle est phénoménale. Nous comptons des monuments dans cette. On les garde et puis on fera une fête avec tous ces gens. Donc, si on dépasse les 350 000 personnes sur Facebook, on fait une fête. Voilà. Avec tous les gens qu'on a appelés, bien évidemment. Et non, les autres. Bah, t'en fais pas. Non. 350 000, on le jure. Je le jure. Moi, je paierai de ma poche s'il faut. Moi aussi. 350 000. Eh ben, pas moi. Avec les mêmes personnes, je sais pas, s'ils sont pas décédés entre temps. Voilà. Bon, voilà, et donc. On se quitte avec. On vous a remercié de nous soutenir. Une musique phénoménale. Voilà, le truc phénoménal, c'était la fin. Hein. Ouais, pour ceux qui n'ont pas compris, fin, c'était assez dégueulasse. Voilà. Ne vous en faites pas, on va continuer à produire des émissions qui seront toutes d'une qualité extraordinaire. Donc, continuez d'écouter Frise Radio, allez sur la page Facebook, allez sur www.friseradio.invertir-blog.com. Voilà. On se quitte avec Give Myself de H. Rod et Silo Green. À tout de suite. À bientôt. Ciao. Mangez du riz. Ciao. Bébé. Et du couscous. Screaming out loud, in the backseat, screaming out. Ashes, young, attractive, handsome bachelor, awesome rapper, got a knack. for vernacular when I perform spectacular. I'll have any girl that I want. I'ma take the girl in the front. Booth bounce when I tell the crowd jump. Honey, come backstage, I just wanna have fun. But I'm too young to be locked down, not now. Need a new car, drive around with a top down. New bra with a bra on a top down. Chillin' in the backseat, screaming out loud. She wants to be my lady, but I don't see her. She wants to be my lady, but I'm a free bird. Shawn Michaels, and yeah, I like you, but not enough to wipe you. You say I'm nice, true, and you think I'm the right dude, but there's another girl just like you. Like who? I'm on the road, another night, another show. New event in a new time zone, and the live show is so mind-blowing. And it's my show, so you know that I'm blown. You know? No text gonna give me long distance, just ain't my thing. Yeah, I'm single, don't need no ring. I'm a free man now, I don't need no strings. Sing. She wants to be my lady, but I don't see her. She wants to be my lady, but I'm a free bird. Jacuzzis with groupies, boobies and booze, and no rules, I'm only 22, I need to watch football and hang with the crew, but if you don't get mad, when I get fat, cause all I do is eat, drink, smoke, and rap, and play Madden, then dag, you're pretty rad, and I take it all back, come on. She wants to be my lady, but I don't see her. She wants to be my lady, but I'm a free bird. I gotta fly by myself, go get by myself.